Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des contribuables dirigé par Benoît Taffin, assisté de Marie Villeneuve et de Bernard de Fabregue, diffusé en direct mardi 17 décembre 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mercredi 18 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier libre journal des contribuables de 2013 qui comportera, comme bien souvent, deux parties. La seconde, dans 90 minutes, sera consacrée à la réforme fiscale préparée par Monsieur Hérault. Enfin, préparée, plutôt proposée. Soyons honnêtes, nous n'y croyons pas vraiment. C'est un enfumage de plus pour faire croire aux Français que leur gouvernement s'attelle aux vrais problèmes. Mais nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant pour vous, chers auditeurs, d'en décortiquer quelques propositions possibles, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles contiendraient, et de vous faire part de ce qui nous semble être de vraies propositions utiles, efficaces et bien sûr favorables à la croissance et à l'emploi. Nous aurons pour ce débat tout à l'heure donc Alain Mathieu, qui est président d'honneur de Contribuables Associés, et Jacques Bourdu, qui est ancien chef d'entreprise et économiste. Pour cette première partie, je me fais une joie d'accueillir un député fidèle entre tous à ce libre journal des contribuables. Il fut mon premier invité il y a 6 ans et il ne s'est pas passé d'année sans qu'il ne vienne nous faire une petite visite. Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir Benoît Taffin. Et je suis très heureux de venir finir l'année avec vous. Tout à fait. Et donc, moi, heureux de vous retrouver puisque ça nous arrive effectivement régulièrement. Un grand merci d'être ici. Et je rappelle que, sauf erreur, Radio Courtoisie est dans votre circonscription de député dans le 16e ou juste à côté. Oui, c'est 16e. 16e. C'est allez, 16e. Allez, je l'absorbe. On absorbe Radio Courtoisie. Alors, nous aborderons plusieurs sujets. Le traditionnel bilan de fin d'année sur les décisions politiques et économiques qui ont été prises en 2013. Et je devine facilement qu'il ne sera pas forcément très élogieux dans votre bouche. Nous prendrons un petit moment, si vous le souhaitez, monsieur le député, pour parler des élections municipales à Paris. Après tout, bien sûr. C'est un sujet qui, même si tous nos auditeurs ne sont pas parisiens, intéresse tout le monde. Et puis je crois qu'on pourrait prendre aussi un certain temps pour parler d'un certain nombre de sujets médicaux, peut-être la sécurité sociale, dont on va voter une fois de plus un budget en déficit, où il y a des projets d'économie, mais aussi de dépenses. On a sûrement des choses à nous dire là-dessus. Et puis même si on est moins proche des problèmes de contribuables, on a quand même dans l'actualité l'euthanasie. J'ai vu aussi que les déserts médicaux, ce qui avait été prévu, ça marchait pas très bien. Donc, si vous le voulez bien, voilà, on abordera tous ces sujets. J'ai pour m'assister la charmante Marie Villeneuve. Bonsoir Marie. Elle est en charge à Contribuables Associés des réseaux sociaux et de la lettre d'information de Contribuables Associés. Elle va faire un portrait de Bernard Debré, puisque je crois que nos auditeurs le connaissent bien. Mais j'espère que de nouveaux auditeurs nous rejoignent régulièrement. Et puis, vous savez que maintenant, grâce à Internet, on a des auditeurs dans le monde entier. On a peut-être en Chine. Donc, peut-être que la dernière fois que vous étiez dans ce studio avec moi, il n'était pas à l'écoute. Et puis, Bernard de Fabregue, toujours fidèle au poste, lira vos questions et messages. Bonsoir Bernard. Bonsoir Benoît. Marie, c'est à vous. Bernard Debré, vous êtes député UMP de la 4e circonscription de Paris. C'est une circonscription qui comprend le nord du 16e arrondissement et l'ouest du 17e, c'est bien ça? Ah, tout à fait, le sud. Vous êtes aussi conseiller de Paris depuis 2008 et vous êtes aussi membre du comité consultatif national d'éthique. J'étais, je ne le suis plus. Les socialistes, quand ils sont arrivés, m'ont demandé de partir et je dirai un petit mot tout à l'heure là-dessus. Bien volontiers, bien volontiers. Précisons pour ceux des rares auditeurs qui l'ignorent encore que vous êtes donc le frère jumeau de Jean-Louis Debré, l'actuel président du Conseil constitutionnel, et le fils de Michel, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle et rédacteur de la Constitution de la Ve République. Vous êtes aussi le petit-fils de Robert Debré, qui a été l'un des fondateurs de l'UNICEF et le créateur de la pédiatrie moderne. Vous êtes marié et père de 4 enfants. Député de Paris depuis 2004. Et grand-père. Combien de petits-enfants? Un. Un seul. Ah, je vous bats là. Oui, mais ça va venir. Vous êtes député de Paris depuis 2004. Vous avez été député d'Indre-et-Loire de 86 à 94 et maire d'Amboise de 92 à 2001. En 94 et 95, vous avez exercé les fonctions de ministre de la Coopération au sein du gouvernement d'Édouard Balladur. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes aujourd'hui membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous êtes membre également du groupe d'amitié France-Chine, et rien de plus logique, car non content d'être le chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin et professeur à la faculté de médecine de Paris, vous exercez aussi en Chine, en tant que directeur du département d'urologie de l'East Hospital de Shanghai. Et membre de l'université de Tongji. C'est ça, vous enseignez également à l'université chinoise de Tongji. Qui est la première université du monde. Vous parlez chinois ? Non, mais je parle anglais et je commence à parler un tout petit peu, quelques mots de chinois, ce qui m'a joué des tours d'ailleurs. Vous avez un nom chinois ou pas encore ? Non, double A. Vous avez d'ailleurs tiré 2 livres de vos séjours en Chine, dont Le Petit Roman de Shanghai, paru en 2010 aux éditions du Rocher. Cet ouvrage compte parmi la vingtaine d'essais que vous avez publiés en 30 ans sur toutes sortes de sujets, et ce aussi bien dans le domaine de la médecine que de l'éthique, mais aussi sur le génocide rwandais par exemple. Puisque vous êtes aussi engagé de longue date dans le combat humanitaire, après de nombreuses missions en Afghanistan, au Pakistan ou en Afrique... En Corée du Nord. Et est-ce que vous vous occupez toujours de villages au Cambodge ? 14 villages au Cambodge. J'ai créé en même temps une école de danse cambodgienne. Et donc j'ai 700 enfants qui apprennent, alors tout jeunes, la danse cambodgienne. Et cette année, pour la première fois, ils se sont produits à New York. Formidable. Vous avez vraiment beaucoup de cordes à votre arc. Et donc vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Parmi les dernières en date, on citera le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, en collaboration avec Philippe Even, paru aux éditions du Cherche Midi en 2012. C'est un immense succès de librairie. Enfin, en 2013, vous avez publié, toujours au Cherche Midi, Des savants et des dieux, où vous confrontez les grandes révolutions scientifiques aux textes religieux. Je m'arrête là. Voilà, c'est déjà beaucoup. Bah c'est un portrait qui nous a permis d'apprendre des choses que je ne savais pas encore. Oui, alors je voulais parler du Comité national d'éthique, parce qu'il y a eu un espèce de coup d'État, il n'y a pas très longtemps. Vous savez que le Comité national d'éthique a été créé il y a très longtemps. La première fois que j'étais membre du Comité national d'éthique, c'était en 86, sous Jean Bernard. Et récemment, il fallait remplacer 7 membres. On savait que le Comité national d'éthique était particulièrement contre la GPA pour les couples homosexuels, aussi contre la PMA, et les socialistes étaient assez ennuyés devant cet état de fait. Donc au lieu de changer 7 membres, ils en ont changé 22. Et ils en ont mis 22 plutôt de leur tendance. C'est ce qu'on appelle la démocratie orientée. Je pense que c'est un bel exemple de ce que ressentent les Français. Je pense que ça ne doit pas être le seul, ils ne le savent pas assez, c'est pour ça que c'est bien d'en parler, parce que là c'est vraiment un exemple flagrant. Quand on a un comité de réflexion qui ne va pas penser comme il faut, on le change. Et puis on a enlevé tous les représentants des religions. Ah mais c'est très... Vous savez, on pourra en parler tout à l'heure, on se rapproche de plus en plus. Regardez le rapport qui est passé là sur le site de Matignon, cet horrible rapport. Regardez ce que dit Vincent Peillon sur les religions en disant très simplement que la religion catholique est une religion qui prive de liberté et qu'il faut extirper les enfants de leur famille. C'est pour ça qu'on va les mettre dans les classes maternelles dès l'âge de 2 ans pour qu'ils n'aient pas l'influence de leur famille. C'est exactement ce que l'on voyait sous Mao ou sous Lénine. Hein. On prenait les enfants, on les extirpait de la famille, parce qu'on va avoir et on va leur inculquer une morale laïque et surtout pas de morale religieuse. Il se trompe, le pauvre Vincent Peillon, parce que la morale, un état laïque, c'est un état qui permet aux religions de s'épanouir. Et c'est pas tout un à fait combat contre les religions. Et là, ça devient assez inquiétant. Et alors, ben, on en arrive à la question, à la première question que je vous pose, que je voulais vous poser, donc qui était un peu un bilan de cette année 2013. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'on démarre sur le côté éthique, sur les côtés, parce que on va parler des questions économiques, on va parler des choses vont très très mal, des questions juridiques. Mais je pense que cette espèce de mainmise, c'est probablement ce qui nous arrive de plus grave, non ? Écoutez, c'est difficile de mesurer, de peser ce qui arrive de plus grave. Je crois que quand vous me dites, essayons de faire le bilan, moi, en bon citoyen, je me dis, qu'est-ce qui a été bien ? Je cherche encore. C'est bien. Je cherche encore. Je suis un peu ennuyé d'être aussi négatif, mais je cherche encore. J'ai été très choqué toute cette année. L'année dernière aussi, quand François Hollande est arrivé, très choqué, parce que je vous prendrai un certain nombre de cas. Regardez, avant de parler d'éthique, mais si c'est de l'éthique, le syndicat de la magistrature. Quand, il y a quelques mois, un journaliste est allé dans le local du syndicat de la magistrature et qu'il a vu, pardonnez-moi de dire ça, le mur des cons, où l'on voyait des magistrats qui doivent être neutres, affiché sur le mur des gens qui n'étaient absolument pas condamnés, mais qu'ils avaient eux-mêmes condamnés. Ils les considéraient comme, disaient-ils, des cons. Mais plus que ça, ils allaient certainement tout faire pour essayer de trouver quelque chose, même s'il n'y avait rien à trouver. Pour les déconsidérer, même s'ils ne pouvaient pas les juger. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? On n'en a pas assez parlé non plus. Enfin, vous avez des magistrats, des juges, qui affichent sur leur mur des gens dont ils ne partagent pas les opinions politiques et qui vont les juger sur leur mur. Et on se fait juger par ces gens-là. Madame Taubira est allée inaugurer le syndicat de la magistrature, les locaux du syndicat de la magistrature. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une justice puisse être indépendante quand on voit ce mur des cons ? Eh bien, on n'en a pas assez parlé, on n'en a pas osé en parler. Je trouve que l'opposition n'en parle pas assez. Alors, bien sûr, voilà la première chose. Mais c'est éthique, c'est la justice. Mais c'est un coup de poignard à l'éthique et c'est un coup de poignard à la République. Et il ne faut pas l'oublier. Et le comité dont vous parliez, dont on a changé les membres parce qu'ils ne pensaient pas bien, c'est gravissime. C'est tout aussi des méthodes totalement... Alors, vous parliez des enfants qu'on voulait enlever aux parents, mais je veux dire, faire des soi-disant comités de réflexion qui vont... d'éthique, oui, qui vont arriver à des conclusions où on mettra que des gens qui pensent comme vous. Mais on est où ? On est en train de faire. On est où ? On est sur la marche, vers la marche, qui nous amène vers un espèce de totalitarisme de la pensée et même de la politique. Moi, j'ai été, vous savez, mortifié, parce que comme moi, j'ai été très longtemps au Comité national d'éthique. On aime le Comité national d'éthique parce que il y avait des représentants des religions, des imams, des rabbins, des curés, et finalement, on se sentait bien. Il y avait des représentants de la philosophie, des scientifiques. C'était passionnant. Et puis tout d'un coup, on vous dit ah ben non, mais attendez, vous êtes trop libre. Et puis, il va y avoir des problèmes graves sur lesquels on va se pencher, c'est-à-dire la grossesse pour autrui ou la procréation médicalement assistée. Les socialistes sont favorables pour les homosexuels. Vous, comité d'éthique, vous n'êtes pas très favorable, donc on change le comité d'éthique. Donc on va essayer de trouver, d'imposer une raison. La raison d'État, c'est quand même quelque chose de très surprenant à notre époque. La raison d'État socialiste. Et ça, moi, j'ai très mal supporté, très mal vécu ces deux périodes. Donc, le syndicat, la magistrature, ça va ensemble, vous savez, c'est la même orientation. C'est le même état d'esprit, totalement totalitaire, j'allais dire. Mais... Oui, vous savez, pour faire sourire, non pas faire sourire, pardon, j'ai opéré en Corée du Nord. Et j'ai traité un homme, numéro 2 du régime, qui vient d'être... tué d'ailleurs. C'est lui. Donc vous l'aviez guéri et on vient de lui couper la tête. Enfin, couper la tête, non, on lui a envoyé une balle. Je me souviens plus quel était le traitement qu'il avait subi. On se dit, mais attendez, j'espère qu'on ne va pas rejoindre. Alors je suis excessif en disant ça, bien entendu, mais je crois qu'il faut, quand on veut être didactique, savoir un peu être excessif, mais je le suis finalement assez peu. Écoutez, merci d'être franc, on peut l'être à ce micro. Et donc, peut-être pour revenir à sujet qui sera plus proche, puisqu'on est dans le libre journal des contribuables. Vous avez vu que, comme nous, que dans la presse, ça boue. Il y a un certain nombre de gens, c'est le ras-le-bol. Je crois que plusieurs personnes ont utilisé cette expression. Alors, oui, même un ministre socialiste, qui est quand même tout à fait extraordinaire, M. Moscovici, a dit que c'est un ras-le-bol fiscal. Attendez, et il est ministre des Finances. Il aurait pu y penser avant. Et oui, il aurait pu y penser avant, mais après avoir dit ça, ils ont continué à taxer. C'est absolument invraisemblable. Mais c'est une faute contre l'esprit. C'est une faute que... c'est pas à vous, je vais le dire, ni à vos auditeurs. Plus on taxe, donc plus on prend de l'argent, non seulement aux entreprises, mais aussi aux citoyens, moins ils peuvent consommer, moins les entreprises peuvent produire. Et après, on s'étonne que les entreprises, il va y avoir cette année 2013, 1000 entreprises qui vont déposer le bilan, 1000 entreprises, ce qui est quand même tout à fait inimaginable. Et quand on voit que la reprise est en train d'exister dans les autres pays d'Europe, sauf en France, la véritable reprise n'existe pas en France, on masque le chômage. On nous invente des emplois d'avenir. Mais voilà, mais c'est extraordinaire, là aussi... C'est un peu du totalitarisme. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme un peu brutal. Bien sûr, mais volontiers. Pourquoi ? Mais parce que, comment est-ce que fonctionne une économie de marché ? Il n'y en a pas d'autre. Une économie de marché, c'est quand les entreprises fonctionnent, quand elles vendent, à ce moment-là, elles embauchent, et ce sont des embauches marchandes. On sait que ce sont des emplois marchands. On sait qu'on va pouvoir employer et embaucher des gens parce que l'entreprise fonctionne. Mais là, on tue l'entreprise, puisqu'on y met des taxes et des impôts supplémentaires, on empêche les Français de consommer, et on vous dit, ah mais non, mais le chômage baisse, puisqu'on a employé 500 000 ou 400 000 ou 300 000 emplois d'avenir. Mais quel avenir ? Un avenir bien bouché, puisque ce sont des emplois de fonctionnaires, ou dans la fonction publique, ou dans des associations dirigées par la fonction publique. Donc ce sont des emplois factices. On est en train de tromper les jeunes, on leur dit, c'est vrai que vous n'avez pas d'emploi, ben on va vous donner un emploi. Mais c'est pas un emploi. On va vous donner un emploi factice. Pendant ce temps-là, on tue les entreprises, mais ce qu'on oublie, c'est que les emplois factices coûtent aussi cher. Et qu'ils sont payés avec l'argent qu'on a pris aux entreprises, qu'on aurait créé des vrais emplois. Oui, le mécanisme est terrifiant. Mais on comprend pas comment ils peuvent en arriver là. Alors, vous qui fréquentez des députés, bien sûr, de votre bord, mais je suppose de tout bord dans l'Assemblée, ça vous est arrivé de parler avec des députés socialistes en essayant de leur faire comprendre ce mécanisme simple ? C'est des godillots, ils sont pas idiots, personne ne devient député en étant, à mon avis, totalement idiot aussi. Si. Ah bon, voyez, vous êtes pire que moi. Je me disais non, que... Non, mais attendez, Non, mais attendez, il y a deux partis dans les socialistes. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez toute la jeune génération des socialistes qui sont arrivés, qui n'ont jamais eu de métier. Regardez, Delphine Bateau, je ne dirais pas de mal. Je ne l'aime pas, mais je ne dirais pas de mal. Mais Delphine Bateau, elle était quoi ? Elle a été membre de la FIDEL, au lycée Henri IV, hein, c'est pas n'importe lequel, au lycée Henri IV, membre de la FIDEL, puis après elle a été une apparatchik dans le Parti Socialiste, après elle a été une attachée parlementaire, et après elle a été suppléante d'un député, c'était Ségolène Royal, et puis elle est devenue députée. Et vous lui demandez ce qu'elle a fait dans la vie ? Rien. Mais c'est un peu le problème de nos ministres aussi, ils ne connaissent pas l'entreprise. Eh bien, il y en a beaucoup qui ne connaissent rien, qui sont des partis. Alors, vous avez des jeunes députés qui n'ont aucune notion de la vie réelle. Aucune. Ce sont des théoriciens. Alors, théoriciens, j'allais dire des idéologues. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien fait d'autre que des pensées politiques abscondes, ridicules. Ils ont éventuellement été dans l'enseignement. Il n'y en a pas beaucoup, ce sont des gens qui sont sortis de rien. Ils sont sortis de syndicats, d'étudiants, et puis d'attachés parlementaires. C'est une génération, je dirais, sacrifiée. Et quand on discute avec eux, on ne peut rien en sortir. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ces gens-là se prennent pour le nombril du monde et ne disent pas bonjour. Il y en a un certain nombre qu'on croise, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils passent. Le regard hautain, un peu lointain, Ils veulent pas regarder. Évidemment, la droite, pour eux, c'est l'apocalypse absolue, c'est le diable incarné. De ville capitaliste. Non, mais même pas. Ils nous détestent. Et ceux-là, on peut pas parler avec eux. Et puis, vous avez, après, une génération, plus courtoise, dont certains ont travaillé. Et on peut discuter avec eux. Et là, c'est très intéressant. Parce que beaucoup vous disent, mais on fait des bêtises. On fait des absurdités. Ils sont anxieux. Et ils rencontrent leurs électeurs quand ils vont chez eux, dont leur ras-le-bol fiscal doit être assez évident, à mon avis. Alors c'est très intéressant, parce que quand ils reviennent de leur circonscription, ils sont transformés. Ils viennent dire, mais c'est pas possible ce qu'on fait, c'est absurde. On leur dit oui, mais alors votez contre. Ah ben non, on peut pas voter contre, parce que si on vote contre, etc. Alors je sais que là, dans le prochain vote, il y en aura une quinzaine de députés socialistes qui vont ne pas voter. Mais... Pour le budget ? Oui. Vous avez n'oubliez pas les Verts. Alors ça, c'est vraiment... Le summum de l'absurdité politique, non ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ah oui, mais de l'absence d'éthique politique. Puisque c'est Vert qui vous disent l'écotaxe. On leur dit, le gouvernement leur dit non, on le fera plus tard. Bon. Après, les Verts disent attendez, les centrales atomiques, jamais. Le gouvernement leur dit non, les gardes. Alors, il y a eu le summum qui s'est passé il y a quelques jours en Chine avec Hérault. J'ai vu ça, oui, racontez-nous. Oh, c'est merveilleux, parce que Hérault, à Paris, dit à qui veut les entendre, surtout aux Verts. Écoutez, en 2020, l'énergie électrique en France sera produite par moins de 50% de centrales atomiques. Ça veut dire qu'il y aura une diminution très forte de la proportion, donc moins de 50%. Mais quand il va en Chine pour vendre des centrales atomiques, quand même extraordinaire, parce que s'ils considéraient que c'était dangereux, c'était assez dégueulasse d'aller les vendre ailleurs. C'est pas très sympa, mais enfin bon, on pourrait comprendre et qu'ils sont plus nombreux que nous et que c'est moins grave. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, en France, nous aurons au moins 50% d'énergie atomique en 2020. Donc vous savez, la différence entre moins 2 et au moins est fondamentale. Les Verts ne disent rien. Et puis quand il y a le Notre-Dame-des-Landes, vous avez l'aéroport à côté de Nantes, l'aéroport de Monsieur Hérault, qui voudra bientôt qu'on l'appelle l'aéroport Hérault. Vous savez qu'un contribuable associé, on a milité contre. Oui. Non pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons de coûts qui semblaient pas pertinentes. Peu importe, je prends pas parti là-dessus. Mais les Verts sont très contre. Qu'est-ce que vient d'annoncer Monsieur Hérault, que ça allait commencer en 2014? Oui. Alors, je pourrais vous prendre indéfiniment, les reniements des Verts. Mais alors, pourquoi ils sont là ? Ils sont là parce qu'il y a une voiture, parce qu'il y a un chauffeur, parce qu'il y a les ordres des palais gouvernementaux, et parce qu'ils sont en train de se mettre à genoux devant le président de la République pour qu'on ait une proportionnelle intégrale pour qu'ils survivent. Ou alors, s'il n'y a pas de proportionnelle, ils vont se prostituer, pardonnez-moi de dire ça, auprès du président de la République, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, pour dire, gardez-nous s'il vous plaît, on gueule de temps en temps, mais on sera toujours fidèles. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'éthique politique ? Alors, je ne parle pas de Mélenchon, qui, lui, ronchonne. Mélenchon ronchonne. Et c'est tout ce qu'il fait. Il est extrêmement dangereux aussi. Oui, parce qu'en plus, il a des discours assez simplistes qui sont repris, suivis, compris par certains. Bah oui, vous savez, c'est simple. On fait payer les riches, on donne aux pauvres, point final. Tout le monde accepte. On ferme les frontières, on est chez nous. On fait payer les riches, on donne aux pauvres, oui, d'accord, et après ? Après, quand on aura de redistribuer, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait dans notre société, en plus elle est mondialisée, et on ne peut pas du jour au lendemain fermer, il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise, que les chefs d'entreprise travaillent, qu'ils embauchent, on ne va pas revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous comprenez, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, qui embauchent, parce que, d'abord, on pourra vendre à l'extérieur, on donnera de l'emploi, et puis voilà, les gens s'enrichiront, les gens s'enrichiront à la mesure de leur travail. C'est une des conséquences d'ailleurs de cette hyper-fiscalité, c'est que les gens partent à flot. Notre dernière enquête des contribuables qui a été publiée le 1er novembre, 1er novembre, ces Français qui fuient le socialisme, et là quand on disait le socialiste, ça n'était pas que les socialistes, mais le socialisme en général, ça a quintuplé le nombre de gens qui partent, et qui sont, qui sont plutôt les cerveaux, les gens qui ont de l'argent, les entrepreneurs. C'est pire que ça. Parce qu'il y a des gens qui partent, parce qu'ils n'ont pas envie de travailler en France, parce qu'ils ont une entreprise et qu'ils veulent s'en aller, etc. Ils veulent s'en aller parce qu'ils considèrent qu'ils sont, sont rackettés. Mais vous avez les jeunes qui partent. C'est-à-dire dans les grandes écoles, dans les universités, vous avez des jeunes de 20 ans, 22 ans, on leur dit « Est-ce que vous voyez votre carrière en France ?» Ils disent « Ah non, je ne vois pas ma carrière en France. » Ils la voient quelquefois en Europe, en Angleterre, ils la voient peut-être en Allemagne, mais ils s'en vont quelquefois plus loin. Et ça, quand on a une fuite des jeunes cerveaux, c'est absolument dramatique parce que on voit mal l'avenir. Est-ce que vous avez ça dans la médecine ? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus de médecins. Vous avez vu les titres des journaux aujourd'hui. Il y a 6000 médecins intérimaires. Ça coûte une fortune parce que la médecine n'intéresse plus beaucoup les Françaises et les Françaises. Il faut savoir, et encore une fois, sans esprit de polémique, dans les hôpitaux français, 35% des médecins sont des étrangers, avec des diplômes étrangers. Et encore une fois, ne vous méprenez pas, merci, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait plus d'hôpital. Et donc, ça veut dire qu'il y a une désaffection importante. Ils ne se forment plus ou une fois formés par les écoles de médecine françaises, ils partent à l'étranger ? Non, ils se forment moins. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus aller dans les hôpitaux et qui font un autre type de médecine qui n'a rien à voir avec ce qui existait auparavant, sans contact avec les malades et surtout sans aller dans les hôpitaux publics parce que, il faut le dire, mais véritablement, les hôpitaux publics sont en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que on verra beaucoup, il y a beaucoup de causes, mais en particulier parce que les médecins, les infirmières, les sages-femmes aujourd'hui qui sont en grève, ne sont pas assez payés, ne sont pas reconnus, ils ont des horaires de travail qui ne sont pas convenables, on ne sait pas les loger, et à Paris, on y reviendra peut-être, il serait, et ça je le demande depuis des années, qu'on prenne des logements, construise des logements à côté des hôpitaux pour que les infirmières ne fassent pas 2 heures de trajet aller-retour pour aller travailler et arriver à 7 heures du matin. Il faut les considérer, les payer et surtout leur permettre de se loger à proximité. Donc nous avons un vrai problème hospitalier, médical, mais on verra ça. On va y revenir, voilà, parce que je pense que c'est quand même là, on peut à la fois allier la dépense publique, la fiscalité, la médecine, donc puisqu'on a la chance de vous avoir dans ce studio, on y reviendra. Je voulais dire aux auditeurs qui nous ont rejoints en cours des routes qu'ils viennent d'entendre la voix de Bernard Debray, député de Paris et éminent professeur de médecine, que nous avons également dans le studio Marie Villeneuve. Oui, mais je voudrais dire à Marie Villeneuve que je ne suis plus chef de service à Cochin. Ah, alors dans le portrait, voilà, il faut toujours corriger les Depuis portraits. Depuis un an, vous êtes excusable, chef de service à Shanghai, entre autres. Merci. Et vous allez souvent en Chine ? Quelle est la fréquence de vos... Mais écoutez, souvent ça ne veut rien dire. Par exemple, je suis rentré mardi dernier, j'y suis allé pendant 4 jours. Parce qu'il faut faire appel à l'administration, même si c'est beaucoup plus léger qu'ici, mais j'avais à opérer 2 malades. Et j'y suis bénévole, parce que je ne veux pas me faire payer par les Chinois. Donc j'ai une fondation, mes assistants viennent, il y a des infirmières, et je suis bénévole. D'accord. Vous voyez un député français se faire payer par les Chinois ? J'avoue que je n'avais pas réfléchi à la question. Je savais que vous exerciez en Chine, mais je ne m'étais pas posé la question. Non, moi j'ai une fondation, j'y suis depuis 12 ans, et je leur ai apporté, grâce à la fondation, 1,5 million ou 2 millions d'euros. C'est moi qui ai offert le matériel et on y va de temps en temps avec 5-6 infirmières, des anesthésistes. Et vous avez formé des gens sur place, bien sûr, je les ai même formés à Cochin, j'ai eu des Chinois à Cochin. Je crois que je suis le seul Français à être chef de service à l'East Shanghai Hospital et à être professeur à l'université. Donc c'est dans un esprit humanitaire finalement ? Pas humanitaire, je crois profondément au rayonnement de la France, qui en prend un sacré coup ces derniers temps, surtout avec le rapport récent. Pourquoi ? Parce que nous avons des valeurs, nous avons une histoire, nous avons cette histoire qui est merveilleuse. que ça soit la succession des rois, des empereurs, des présidents, que ça soit des drames, que ça soit des victoires, il n'y a aucune raison que nous masquions cette histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à l'extérieur du monde, on voit les Chinois, par exemple, être assez admiratifs de notre histoire. Alors c'est quand même très, très extraordinaire que quand on regarde le rapport, qui est une, vraiment une... Je peux pas, j'ai pas de mots parce que ça serait vulgaire. Le mot ne me vient pas à l'esprit. C'est ce rapport ignoble qui vient d'être mis en ligne sur le site de Matignon. Il faut réécrire l'histoire. Parce que, dit ce rapport, d'abord, l'histoire a été écrite par des blancs machos et hétérosexuels. Vous vous rendez compte? C'est épouvantable. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis, on nous dit, les Français sont hystériques à avoir leur drapeau français, à agiter le drapeau français, il faut que ça cesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on sait que dans un certain nombre de pays, eh bien, nous sommes finalement assez admirés, une référence. Alors, c'est pour ça qu'en Chine, j'ai voulu que la médecine française rayonne un peu. Et elle rayonne. Elle rayonne. Il n'y a aucune raison de laisser ça aux Américains. Il n'y a aucune raison de laisser ça aux Singapouriens ou aux Australiens. Et c'est une vraie gageure, parce que la médecine chinoise, en plus, a une aura. Ah ben, nous mélangeons les deux. Ah, j'ai d'accord. Mon service, qui est un service de chirurgie urologique, et nous sommes très liés avec la médecine chinoise. Les tâches du dessous, c'est la médecine chinoise. Tout est pas à apprendre, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, vous savez. Alors, c'est dommage qu'on soit dans le libre journal des contribuables. Bon, j'aurais continué, mais on va essayer quand même de recentrer le sujet. Je voulais dire donc aux auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer des questions en téléphonant au 01 46 51 00 85 par courriel courtoisie@radiocourtoisietoutattaché.fr. Et je crois que Bernard a quelques questions avant que nous abordions donc plusieurs aspects des problèmes médicaux, si vous le voulez bien. Politique, enfin, médicaux, sécurité sociale, et puis Paris. Retraite, mon Dieu. Alors, les questions. Elles concernent plus M. Debré en personne que le sujet traité. Les deux premiers auditeurs disent, vous critiquez le PS, mais ne fait-il pas exactement la même politique que l'UMP, à peu de choses près? Écoutez, je vais répondre très simplement. Moi, j'ai toujours été un électron libre. Et j'ai été Sarkozy, je l'ai appelé en 2004, j'étais le premier à dire l'ère Chirac est terminée, il faut que ce soit Sarko. Puis en 2007, j'ai discuté avec lui, et 2007-2012. Mais je vous dirais que j'ai été très triste. Très triste parce que les promesses que nous avions formulé pour un programme opératoire, la suppression des 35 heures, par exemple, la suppression de l'ISF aussi, un certain nombre de choses n'ont pas été tenues. Et après, on dit, mais on a été battu. Bon, on n'a pas été battu parce qu'on en a trop fait. On a été battu parce qu'on n'en a pas assez fait. Et les Français disent, on vous élit sur un programme. Alors, ils lisent pas tous le programme, mais on l'a martelé en 2007. C'était une très belle élection en 2007. Et nous avons dit, voilà ce que nous allons faire. Mais on l'a pas fait. Et il y avait tant à faire, en plus. Eh oui, il y avait tant à faire. Alors, évidemment, je comprends nos auditeurs en disant, mais l'UMP, l'UMP, l'UMP. Ah ouais, ils sont toujours un peu agacés chaque fois que nous avons un invité UMP, parce que c'est vrai qu'ils ont en tête cette déception que vous venez de décrire. Mais c'est vrai, on l'a. Alors, il y a à mettre au crédit de Nicolas Sarkozy beaucoup de choses, quand même, au niveau de la représentation de la France, au moment de la crise économique extrêmement violente que nous avons subie en 2008-2009. Bon, il a réussi à sauver les banques. Alors, on dit, ah, ça y est, il a sauvé les banques. Oui, mais enfin, sauver les banques, c'est nos comptes en banque. Comptes en banque de tout le monde. Et si on n'avait pas sauvé les banques, comme aux États-Unis, avec un certain nombre de banques qui ont fermé, ceux qui avaient mis de l'argent, qui avaient un compte en banque, aussi petit soit-il, auraient été à la rue. Et donc là, il faut lui reconnaître un certain nombre de choses. Mais il faut aussi être critique. Alors, je dirais, ce qui est intéressant, c'est les socialistes. Socialistes qui sont fait élire assis avec un programme absurde. Mais eux, bah, ils le mettent en musique. Et ça, c'est dramatique. Parce que, eux, on aurait mieux aimé qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Ben voilà. Et bien voilà. Et ça, c'est une grande leçon qu'on doit avoir. Alors, d'autres questions peut-être? L'autre question, oui. L'auditeur dit qu'il est très admiratif de vos actions et de votre personne d'ailleurs. que votre analyse de la France montre que c'est l'état, la situation est catastrophique. Et alors, mais que faites-vous donc encore à l'UMP ? C'est la même question. La question, elle est très simple, c'est mon parti naturel, j'aime pas être un vagabond des partis politiques, et je considère qu'à l'UMP, il y a des gens qui sont plus jeunes, moins jeunes, etc., et qu'il faut essayer de le modifier de l'intérieur. Moi, je suis très fermement à l'UMP, gaulliste, vous savez, je suis tombé dedans quand j'étais jeune, mais je pense qu'on peut essayer de transformer l'UMP de l'intérieur. Alors, je sais que tout le monde n'est pas gaulliste, mais enfin, moi j'ai cet avantage pour moi, et tard pour les autres, mais je voudrais transformer l'intérieur. Oui, et ainsi dit un autre, l'UMP n'a jamais dissous le syndicat de la magistrature, et pourtant vous le condamnez bien aujourd'hui. Ah oui, mais on n'était pas au pouvoir quand il y avait le mur des cons. Mais c'est vrai, mais l'UMP n'a pas dissous le... C'est vrai qu'il y avait des choses qui auraient dû être faites. Oui, mais entendu. On le sait très bien. On le sait très bien. On connaissait le syndicat de la magistrature. On savait qui était Madame Eva Joly, par exemple, quand elle était magistrate et odieuse d'une agressivité, se targuant de mettre en examen X, Y ou Z de droite, qui ont eu immédiatement après des non-lieux. Mais c'était insupportable. Mais voilà. Vous savez, encore une fois, on est un peu bénet. Pourquoi ? Parce que, et j'en ai parlé à Nicolas Sarkozy, on fait l'ouverture, c'est merveilleux. Je vais vous donner un exemple catastrophe, merveilleux. C'est un exemple que j'ai vécu. Pendant 10 ans, j'ai combattu les socialistes et il y avait un certain Claude Évin qui était ministre de la Santé. Et j'ai combattu, j'ai fait des manifestations dans la rue, d'ailleurs adoubé par mon parti politique. Peu importe qu'il m'adoube ou pas, mais il était très content. Vas-y, c'est bien, tu fais de l'opposition. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy ? Il a nommé président de l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Donc, du jour au lendemain, il est devenu mon patron. Non, mais c'est extraordinaire, vous comprenez ? Moi je me suis dit, mais attendez, je rêve, là. Pendant 15 ans, j'ai combattu, et là, maintenant, c'est lui qui est mon patron, en tant que patron de tous les médecins de l'Île-de-France. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse l'ouverture, mais à un moment donné, il faut nous dire d'arrêter la politique. Alors, on a eu, je ne vais pas citer tous ceux qui ont été dans l'ouverture, des ministres d'ouverture, et qui se sont empressés de faire voter contre Nicolas Sarkozy quand il y a eu les élections. Ils sont retournés au bercail. Bien entendu, ils sont retournés au bercail, ces gens-là. Vous imaginez bien. Ils étaient très contents d'être ministres. C'est drôle qu'un homme qui apparaissait plutôt comme décidé fasse ce type d'erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale en France parce que nous sommes très... C'est très surprenant. On aurait pu imaginer qu'on pourrait faire une grande réunion entre les différents partis politiques. Je n'y crois absolument pas. En France, nous sommes, et c'est ça la démocratie. Finalement, cette idée, je ne veux pas qu'on assimile ça à Nicolas ou à d'autres, cette idée de vouloir faire un grand gouvernement avec tout le monde venant de tous les horizons, c'est très totalitaire, parce que les Français n'ont plus le choix. Bien sûr. Il faut qu'ils aient le choix entre la droite et il faut qu'ils aient le choix entre la gauche. Et je pense que s'ils attendaient une ouverture, c'était plutôt vers la droite. Même si c'était pas facile, c'est pas le débat de ce soir, mais je pense qu'ils auraient plutôt attendu, si on avait tendu la main quelque part, c'était pas à gauche. En tous les cas, ils n'attendaient pas à ce qu'on tende la main à gauche et qu'on se prenne deux paires de claques. Alors, on repassera peut-être à une autre série de questions tout à l'heure, mais je voudrais quand même aussi qu'on se lance peut-être un peu dans des sujets qui intéressent nos auditeurs. Donc, le budget de la sécurité sociale est en déficit depuis des années. Si je ne me trompe pas, cette année, c'était 16 milliards. Donc, là, le projet de loi de finances qui a été voté prévoit... Rectificatif, oui. Rectificatif. Et il prévoit un certain nombre d'améliorations. Il prévoit que le budget de l'année prochaine sera moins en déficit, ou je me trompe ? C'est une fausse information. Ah, ben alors oui, je suis tombé dans le panneau. Le déficit sera moins élevé. Quand ils nous disent qu'on fait 15 milliards d'économies, c'est faux. C'est-à-dire que le déficit progressera moins, mais il sera toujours important. Ça augmente moins vite, c'est ça ? Oui, ils avaient prévu ce qui aurait pu être l'augmentation, et puis ils ne vont pas tout à fait la faire, ils appellent ça une économie. Je suis d'accord. Oui, mais pour le budget de la sécurité sociale, j'avais cru comprendre qu'il y avait un certain nombre d'économies prévues. Non mais attendez, on n'arrivera pas à les faire. On va simplement prélever un peu plus sur les gens. Et on va surtout prélever un peu plus sur les cotisations retraite. Les familles qui ont des enfants, il y avait 10%, on va fiscaliser les 10%, on diminue le quotient familial qui était d'abord à 2500 euros, puis à 2000, à 1500, et il est question maintenant, avec les différents projets dont on entend parler, de supprimer le quotient familial. Parce qu'il faut voir aussi que les socialistes sont contre la famille. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Donc le budget de la sécurité sociale est en trompe-l'œil. C'est un faux budget de la sécurité sociale. Mais c'est de ça dont je voulais qu'on parle. Voilà, peut-être que ça en soit plus pour nos auditeurs. Ils lisent les journaux comme nous. Bon, alors, oui, ils écoutent Radio Courtoisie, c'est déjà une chance. Si on prend la retraite, pardonnez-moi de vous le dire, on a tous les pays du monde occidental qui ont augmenté l'âge de la retraite. Alors ça peut être évidemment difficile à faire passer, mais je vois pas d'autre solution. Regardez les Anglais, les Allemands, tout le monde. Il n'y a que nous. Tout simplement parce que l'espérance de vie a augmenté. Mais bien entendu, on est en train de dire que l'espérance de vie augmente, et elle va augmenter. J'entendais tout à l'heure la radio, j'ai écrit des livres, en disant que finalement dans 20, 30, 40 ans, on vivra 100, 150 ans. On va pas quand même passer les trois quarts de sa vie à la retraite. Partant à 60 ans, et puis passer 60 ans à la retraite. Même plus, c'est pas possible. C'est juste pas possible, c'est inconcevable. Puisque c'est une retraite par répartition. Alors peut-être faudra-t-il changer la retraite, mais à ce moment-là, ça va être un changement radical, et je ne suis pas opposé à ce qu'on envisage qu'il y ait un certain nombre de capitalisations. Ce qu'on fait aussi à un certain nombre de nos voisins. Mais bien entendu, qu'il faut d'abord mélanger les deux, et qu'il faut certainement... qui existe aussi en France. D'ailleurs, ça ne se dit pas, mais que ça soit l'AGIRC, l'ARCO, d'autres encore, c'est encore par répartition, mais c'est pas tout à fait la même répartition. On va mettre plutôt de l'argent de côté, et puis on encourage les Français, à juste titre, à mettre de l'argent de côté. Vous savez, moi je vois des jeunes qui ont 25 ans, et je leur dis, mais alors, t'as un boulot? Oui, j'ai un boulot, là, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je mets de l'argent de côté pour ma retraite. Je dis, quand même, à 25 ans? Il me dit, enfin, vous imaginez quand même pas que dans 50 ans, il y aura encore une retraite de sécurité sociale. À la vitesse où l'on va... Marie ne peut pas s'empêcher d'applaudir. Non, mais à la vitesse où l'on va, avec les bêtises que l'on fait, avec les déficits qui s'accumulent, ces gens-là nous disent, ces jeunes nous disent, on sera le bec dans l'eau. Vous savez, on n'a pas besoin de l'instituer, ils se font leur retraite par capitalisation. Mais bien sûr. Et moi, j'ai été un jour, il y a assez longtemps, extrêmement frappé, mais je dirais traumatisé dans le bon sens du terme, réveillé, si je puis dire. Il y a près de 20 ans, j'étais chef de service très proche. Moi, j'étais jusqu'à l'année dernière, très proche des infirmiers, des infirmières. Il y avait un infirmier qui était absolument merveilleux, avec sa femme merveilleuse. Et il me dit, vous savez monsieur, je m'en vais. Je lui dis, vous en allez du service, ça vous plaît pas? Ah non, je suis très heureux, parce que vous savez, c'est une parenthèse, quand je vais faire de l'humanitaire, j'emmène les infirmiers, les infirmières, les médecins, c'est une cohésion magnifique. Je lui dis, vous partez où? Il dit, mais moi je pars en Suisse. Alors pas en Suisse parce qu'il avait de l'argent, il m'a dit parce que je vais faire ma retraite par capitalisation, parce que je sais, moi qui ai 30 ans, que je n'aurai pas de retraite digne quand je partirai à la retraite. Je me suis dit, mais enfin, comment? Cet infirmier et sa femme s'en vont parce qu'ils considèrent que dans 30 ans, il n'y aura plus de retraite pour eux. Alors peut-être était-ce exagéré, mais j'ai été assez réveillé par ça. Je me suis dit, mais il faut que tu te réveilles, mon vieux. Parce que si lui, qui ne gagne pas des milliers des cents, s'en va, c'est que ça doit être quand même assez sérieux. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que nous étions en train de déconner complètement sur la retraite, c'est-à-dire qu'on était en train de vivre de faire sur des le dos de nos petits enfants. Aménagements qui servent strictement à rien. Oui, qui servent. Si on arrive à prolonger le travail, parce que effectivement, quand on vit plus vieux et beaucoup plus vieux, à un moment donné, on doit se dire. Vous savez, une chose simple que les auditeurs doivent comprendre. Il y a 30 ou 40 ans, quand on partait à la retraite, l'espérance de vie était de 2 à 3 ans. Parce qu'il y avait des infarctus, des maladies, des cancers, etc. Le fait qu'on ait une espérance de vie beaucoup plus grande, on a une espérance de vie, quand on parle à la retraite à 60 ans, on a de 20 ans. Et même, oui, 20 ans. Quand on parle à la retraite, même quelquefois un peu plus. Alors attention, parce qu'il faut bien comprendre ce que je dis. L'espérance de vie globale d'un Français est de 79 ou 80 ans pour l'homme, 82 ou 83 pour la femme. Mais à partir du moment où on a 60 ans, l'espérance de vie devant soi est beaucoup plus importante. Mais, attendez, ça fait 20 ans, et puis bientôt ça fera 30 ans. Combien de temps va-t-on travailler ? On va travailler à partir de l'âge de 22, 24, 25 ans, et puis on va travailler 35 ans. Et on va avoir une retraite peut-être de 30 ans, mais c'est pas possible. Est-ce que vous seriez prêt, puisque vous disiez qu'il faut changer votre partie de l'intérieur, à prôner on fait partie de ces gens avec Jacques Garello qui a écrit des livres tout à fait passionnants sur la retraite capitalisation et que vous connaissez bien, c'est pour ça que je le cite. Est-ce que vous seriez prêt à essayer de qu'il y ait des changements réels et pas des aménagements? Bien sûr qu'on améliorera un peu les choses si on recule l'âge, mais je crois qu'il faut une révolution dans d'autres probablement domaines dont on parlera, mais dans celui de la retraite bien entendu. Vous savez, le problème, alors je vais critiquer ma famille, mais gentiment. Mon père a créé l'ENA. C'était en 46. C'était en 46, après la guerre, il n'y avait plus d'administration. Donc il fallait recréer une administration. Et comme toujours, quand une réforme est extraordinairement bien, bonne, formidable, à l'époque, on a créé une administration qui n'existait plus, et progressivement, il y a eu une petite dérive, une grande dérive, et moi, je veux vous dire, quand j'ai été ministre, mon père était encore en vie, et je l'ai vu, et je lui ai dit, papa, tu vois, je ne prends aucun énarque dans mon ministère. Aucun. Bon, mais il a compris qu'il y avait une dérive. Encore, je ne veux pas dire que tous les énarques sont des imbéciles, au contraire. Hélas non. Mais simplement, ils sont formatés pour revoir les choses uniquement du point de vue de l'État. Voilà, exactement. Et moi, je suis absolument persuadé que pour faire des grandes réformes, il ne faut pas être nourri par l'administration. Parce qu'on ne va pas manger la main qui vous a nourri. Et je vois tous ceux qui ont fait des grandes réformes. Ce sont des gens qui n'ont pas été dans l'administration, c'est vrai qu'il faudrait avoir un peu d'air frais. Des gens qui sortent d'entreprise, des jeunes qui ont fait des études difficiles, parce qu'ils ont trimé, pas forcément d'un milieu favorisé. Des gens qui ont réussi parce qu'ils se sont dépassés, surpassés, parce qu'ils ont voulu réussir. Et à ce moment-là, ils vont comprendre quelles sont les difficultés de la France. Mais là, quand vous avez des gens qui... Écoutez, Hollande, ENA HEC. Il est tombé. ENA et HEC. HEC, c'est une bonne école. Oui, mais lui est tombé et un peu côté. Il ne parle pas anglais. Vous l'avez entendu parler anglais ces derniers jours? On dirait une vache espagnole. Non, c'est l'expression, je ne veux pas être méchant. Mais on se dit, qu'est-ce qu'ils apprennent à hautes études commerciales si c'est bien... du commerce, on fait du commerce avec des pays étrangers. Je pense que ça a changé. Il est d'une époque où je crois que maintenant ils font une partie de leurs études à l'étranger. Je pense que ça a beaucoup bougé depuis l'époque Hollande. Une Dieu merci. Benoît, qui recommence. Qui on les renvoie à l'école. Qui recommence. Alors on prône dans un certain nombre de choses que demande contribuable associé, c'est qu'un député fonctionnaire démissionne s'il est élu pour qu'on se retrouve avec comme en Angleterre, il démissionne même avant de se présenter, pour qu'on ait un peu plus de tentation pour le métier politique de gens comme vous le dites. Alors, je rejoins ce que vous dites, oui, qui viendrait d'ailleurs. Je vais faire un petit. Il faut que des non fonctionnaires. Et envie d'y aller. Et moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait la possibilité pour les députés de continuer à exercer leur métier de non-fonctionnaire. D'ailleurs, les médecins, c'est-à-dire des ingénieurs, c'est-à-dire des gens, des avocats, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, mais... Le pire conflit d'intérêts, c'est d'être fonctionnaire, puisqu'ils votent, votent pour leur propre budget. D'ailleurs, on voit ce que c'est. Dans le budget de la sécurité sociale, là, on sait très bien qu'on aurait dû réunir les mêmes retraites des fonctionnaires avec les retraites des non-fonctionnaires. On ne l'a pas fait parce que, évidemment... C'est une évidence pour tous les Français, maintenant. Toutes ces niches, absolument. Mais c'est une évidence, sauf pour les fonctionnaires. Ah bah écoutez, j'espère que vous allez être écouté au sein de votre parti, parce qu'on vient d'évoquer un certain nombre de choses dont on rêve depuis des années, quand je dis on a contribué à l'associé, mais bien des Français, et qu'on voudrait bien que ça bouge. Alors je vois Bernard qui s'agite, parce qu'il y a des questions d'auditeurs en rapport avec ce qu'on est en train de dire. En rapport direct. Allez-y. Allons-y. La première, c'est, vous avez le profil pour être président, pourquoi ne vous présentez-vous pas à la tête de l'UMP ? Attends, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas être un apparatchik. J'ai en horreur les apparatchiks. Je veux garder ma liberté. Et quand on voit ce qui se passe à l'UMP, on n'a pas tellement envie d'être président. Je vous dis très simplement, je veux garder ma liberté, ma liberté de parole. Je suis quelquefois un peu le poil à gratter, hein. Et j'emmène un certain nombre de mes amis députés, j'entraîne un certain nombre de mes amis députés ou sénateurs, parce que je garde mon idéal. Il faut que vous soyez nombreux. On est en contact avec les députés qui sont chefs d'entreprise. Ben Jean-Michel Fourgousme, il n'est plus député, mais il faisait partie de Génération Entreprise qui menait. Et absolument. Et je pense qu'il faut absolument que vous arriviez à changer les choses de l'intérieur. Alors, une autre question d'auditeur. L'autre question concerne le serpent de mer de la retraite des députés, qui a été, je crois, initié par monsieur votre frère. Je crois que les gens n'ont pas compris. Il faut l'expliquer. Pouvez-vous nous parler de la retraite des députés qui est passée de 6 mois à 5 ans? Plusieurs journaux ont expliqué le contenu de cette retraite qu'on donne aux députés non fonctionnaires quand ils ne sont pas réélus. Non, attendez. Une petite indemnité dégressive. Il y a une indemnité dégressive, mais c'est... Vraiment, je ne vois pas très bien, parce que quand on a un métier, on n'a pas besoin de prendre des députés. Alors peut-être, effectivement, il y avait une retraite de 6 mois, et mon frère l'a lissée pour ne pas donner trop pendant les 6 mois... pour que les députés aient une retraite qui allait en dégressif. Mais est-ce que c'est une retraite ou est-ce que c'est une indemnité tant qu'ils n'ont pas retrouvé un emploi? Non, vous confondez avec les ministres. Il y a, quand on est député, on cotise à une retraite. Voilà, et vous avez une retraite quand vous êtes... Une retraite qui est proportionnelle au temps passé comme député. C'est vrai qu'il y avait des avantages qui étaient un peu différents, et mon frère, maintenant, est en train et a remis la retraite de député, à peu près comme celle des fonctionnaires. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que c'est la retraite des ministres. Il n'y a pas de retraite de ministres. Il n'y en a pas. Pardon. Contrairement à ce qu'on disait. Excusez-moi de vous couper, mais ce débat existe dans la rue assez pour que j'ai, moi, appris les éléments que alors, ça concerne. Voilà. Je pense que c'est pas la retraite dont parle notre auditeur. Pour les élus parlementaires d'origine privée, ça ne concerne pas les fonctionnaires. Quand ils ne sont pas réélus à la fin du premier mandat, monsieur votre frère leur a fait avoir une retraite du montant de leur indemnité pendant 5 années, mais dégressive, qui fait qu'elle perd 20% tous les 6 mois. Ah oui, c'est ça. Donc, à bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Au bout de cinq ans, il n'y a plus rien. Donc c'est bien ce que je dis. Et elle n'est que compensatoire, c'est-à-dire s'ils ont un autre revenu, elle ne fait que compenser pour arriver à ce total. Et l'année dernière, par exemple, j'ai lu un article ces jours-ci qui disait qu'il y avait 2 députés dans ce cas. Oui, donc c'est pas. Je pense que c'est le mot retraite, excusez-moi, qui est inapproprié. C'était une indemnité qui était prévue pour le député non réélu jusqu'à ce qu'il retrouve à nouveau des revenus. Ça n'était pas la retraite de tous les fonctionnaires. Non, mais attendez, parce que quand on est député, dans mon cas, quand on est député, on cotise. On avait le droit de cotiser double. Dans la première, par exemple, première mandature, on cotisait 2 fois, parce qu'effectivement, quand le député n'était pas réélu, ça faisait 5 ans, donc quand on cotisait double, on avait 10 ans, mais on cotisait double. Mais je vois pas très bien cette compensation, oui. Parce que moi j'ai jamais été. Je pense que c'est pour ça, mais ça n'est pas une idée retraite. Personnes. Il faut l'appeler indemnité chômage à ce moment-là. C'est plutôt une indemnité de chômage. Je crois que c'est là l'erreur. Peut-être, oui. Alors, moi je suis pas au courant. Hein. Je vous dis très bien. Bon, bah, écoutez, là, allez, on va peut-être passer, on va peut-être continuer. Alors, si mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le ministre n'a pas de retraite. Parce qu'on nous dit, vous avez une retraite de ministre. On n'a pas de retraite. Et il y avait, ce qui est vrai aussi, quand on était ministre, quand on n'était plus ministre, on pouvait être payé pendant quelques mois tant qu'on ne retrouvait pas de boulot. Voilà, mais même moi chose. Qui étais ministre, le lendemain matin de mon départ, j'ai retrouvé ma fonction de chef de service hospitalier, donc je n'ai pas touché un centime. Donc on n'a pas intérêt à être ministre trop longtemps. Quelqu'un qui ferait une longue carrière de ministre, il serait à la retraite des vieux. Oui, mais le ministre, c'est pas une sinécure, hein. Franchement. Je veux bien croire. Alors, moi, je voudrais qu'on a parlé retraite, mais dans les choses, je pense, pour où vous pouvez nous donner un certain nombre d'éléments qui nous intéresseront, c'est aussi la médecine. Alors, moi, j'ai regardé ce qui se disait d'un livre que vous avez écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Avertissement aux malades, aux médecins et aux élus. Je crois qu'il est de 2012. Ah oui, oui, non, il est de 2002. Non, c'est vieux. Avertissement aux médecins maladie aux élus. Ah oui, mais c'est alors Benoît, c'est formidable. Il y a une réédition. Non. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a écrit avec Philippe Even un livre qui s'appelait Avertissement aux médecins maladie aux élus. Bon, pas beaucoup de succès. Et puis on a écrit un deuxième livre en 2004 qui s'appelait Savoir et pouvoir. C'était tout le problème des médicaments. Pas beaucoup de succès. Et puis on a écrit les 4000 médicaments inutiles, dangereux, etc. Utiles, inutiles et dangereux. Et là, ça a eu du succès. Ça reprenait pourtant les autres livres. Un certain nombre, d'accord. À peu près tout. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait le succès d'un livre? Alors peut-être que c'était très, très austère, les deux premiers, beaucoup de chiffres, beaucoup de travail, et que finalement, le dernier, qui était pourtant beaucoup plus important, avec 800 pages, il a soulevé beaucoup de passion, beaucoup de crispation, parmi les laboratoires, parmi les médecins, parmi les pharmaciens. Mais vous savez, si on ne veut pas déranger, on n'écrit pas. Et moi, j'ai voulu, avec Philippe, faire un peu de provocation. C'est de la provocation. Je ne dis pas qu'on avait raison sur tout. Je dis simplement qu'on avait alerté l'opinion publique, les laboratoires, les politiques, en leur disant attention, au niveau des médicaments, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, il n'y avait pas que les médicaments, si je ne me trompe pas. Vous allez me dire de quel livre alors, puisque je me suis sans doute et trompée. Il y aurait un livre dans l'avertissement aux médecins où vous parliez de la confusion incroyable d'un système qui les paralyse et qui ne fonctionne pas. Et puis, vous disiez aux élus que la politique centralisée menée depuis 25 ans, pardon, oui, purement administrative et comptable, sans lucidité ni courage, mais les gaspillages mais insensés et restrictions à justifier. Moi, j'ai adoré ces deux phrases. Mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça on que est en train de le voir aujourd'hui. Alors, on le voit depuis 20 ans. C'est pour ça que gauche porte une lourde responsabilité, très lourde responsabilité. Alors, je ne vais pas plaire en disant ça, je ne vais pas plaire. Je veux dire, en France, nous avons trop d'hôpitaux. Ah ! Quand on dit ça, on me dit, mais enfin, c'est scandaleux, je veux avoir mon hôpital en bas de chez moi, vous comprenez, etc. Mais je vais vous donner deux, trois explications. Nous n'avons pas assez de médecins, on le sait, les médecins sont moins intéressés, il y a moins de médecins. Du matériel maintenant ultra moderne qui coûte horriblement cher. Je prends simplement des robots opératoires. Ça vaut plusieurs millions. Et puis surtout, le fonctionnement, c'est plusieurs millions. On ne peut pas acheter de robots opératoires pour tous les hôpitaux. D'abord parce qu'il n'y aura pas le personnel qualifié en médecins et en techniciens pour les faire fonctionner. Donc on va avoir, et on a, des hôpitaux qui sont en bas de chez soi mais qui sont pas bien outillés, qui ont techniquement moins bon, et d'autres un peu plus grands où le plateau technique est meilleur. Alors vous faites un infarctus en bas de chez vous, eh bien vous avez, si vous n'avez pas de chance d'avoir un petit hôpital en bas de chez vous, bon très bien, vous avez quelqu'un, 35% d'étrangers, pas les mêmes diplômes, vous serez pris en charge, mais vous n'avez pas autant de chance, et donc vous avez une perte de chance Parce que si vous étiez dans un centre hospitalier régional, par exemple, ou un centre un peu plus grand que celui qui est en bas de chez vous, vous avez le technicien qui va pouvoir vous prendre tout de suite, faire ce qu'on appelle une coronarographie, pacifier les artères coronaires du cœur, et mettre ce qu'on appelle un stent, c'est un petit ressort qui vous permet de guérir tout de suite. Vous ne pouvez pas le faire en bas de chez vous. Croyez donc pas vous avez que les gens pensent chance. Au côté humain, et je veux dire, on ne va pas voir en province quelqu'un qui est à l'hôpital à 60 km aussi facilement que s'il est dans la petite ville d'à côté. Mais je suis d'accord avec je vous. Je pense que vous avez raison sur le côté performance technique, oui, on est dans une époque, les époques ont changé, mais vous ne croyez pas que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est de ne plus avoir leur malade à côté d'eux. Bien sûr, mais il faut leur expliquer qu'il y a une perte de chance. Il faut leur expliquer que si... qu'ils soient vivants que mourir à côté d'eux. Est-ce que vous voulez mourir en bas de chez vous, content, parce que... Alors, j'exagère bien sûr, parce qu'il y a des hôpitaux en bas de chez vous qui sont bien, parce qu'il y a des gens qui se défoncent formidablement bien, mais il n'y a pas toujours les mêmes plateau technique. Moi, j'ai été maire d'Amboise, vous l'avez dit. J'avais l'hôpital de Château-Renaud, l'hôpital d'Amboise, l'hôpital de Vendôme, l'hôpital de Chinon, l'hôpital, etc. Il y avait 5 hôpitaux. Comment voulez-vous faire fonctionner 5 hôpitaux à 20 km les uns des autres? C'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans tous les hôpitaux le matériel qui coûte des fortunes. Et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas dépenser plus qu'on a, puisque c'est la sécurité sociale qui paye. On ne peut pas. Et donc on avait des hôpitaux qui étaient moins bien équipés que d'autres. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ou alors on ment. C'est ce qui s'est passé, j'ai été battu à Amboise. Pourquoi? Parce que le socialiste dans la ville de Château-Renaud, qui est quand même une bonne partie de la circonscription. J'avais dit, il faut fermer les urgences, la cardiologie, puisqu'on n'a pas ni les infirmiers, ni les médecins, ni, etc., ni le matériel. Et lui a dit, mais si vous votez pour moi, je laisserai l'hôpital ouvert. Il a été élu contre moi, il a fermé l'hôpital après. parce que ça, c'était une nécessité. Mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, je dis simplement qu'il faut avoir ce qu'on ne fait pas, ce qu'on n'a pas fait. Qu'il y ait par région, pour ça que je ne veux pas qu'il y ait une centralisation trop importante, parce que c'est très mauvais, qu'il y ait une réflexion sur les hôpitaux publics et les cliniques. Parce qu'il y a une complémentarité, bien c'est entendu. On privatise, en Allemagne, on privatise beaucoup les hôpitaux, notamment quand ils ont des difficultés financières. C'est une solution, du coup, pour les... Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la privatisation d'un certain nombre d'établissements? Ça ne veut rien. Moi, je suis... privatisation publique. Je pense qu'il faut que, aussi bien le public que le privé, doivent être au top. Bon, si le public... Il est pas voué à perdre de l'argent, le public. Alors, on peut appeler ça comme on veut. Si le public fonctionne bien... Mais là, il en perd. Mais il en perd parce que on fait des bêtises. Il en perd parce que la sécurité sociale rembourse tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Pardonnez-moi de dire ça, mais quand on a l'AME, l'assistance médicale pour les étrangers, c'est absolument surprenant. Moi, j'ai une dualité, parce que quand je suis médecin, je ne vais pas demander à celui qui arrive dans mon cabinet et dans ma salle d'opération s'il est inscrit à la sécurité sociale ou pas. Je vais l'opérer parce qu'il nécessite d'être opéré, surtout en urgence. Mais je trouve tout à fait inacceptable qu'il y ait cette pompe aspirante qui fait que quand vous habitez à tel ou tel endroit, on vous dise « Allez, en France, c'est gratuit ». J'ai un exemple qui est tout à fait vrai, que les auditeurs comprendront. Un jour, je reçois dans mon cochin un homme charmant, gentil, un malien, qui est député malien, merveilleusement gentil, un type très bien, et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon, ça arrive. Et il me dit, bah, écoutez, j'aimerais bien qu'on ait pour ma femme, sa deuxième femme, et il était musulman, une PMA, une procréation médicalement assistée. Je lui dis, écoutez, ça peut se faire. Bon, c'est pas gratuit. Elle me dit, mais si, il suffit qu'elle reste 6 mois, et on aura l'AME, et comme ça, j'aurai la possibilité d'avoir une PMA pour ma femme, gratuite. Mais je lui dis, mais attendez, c'est pas concevable. C'est le cas de dire. J'ai dit non. Et j'ai demandé à mon collègue et ami gynécologue, il m'a dit, moi je refuserai aussi. Alors maintenant, depuis, on a réussi à faire en sorte que les fécondations in vitro, PMA, etc., ne soient plus considérées de l'AME. Il y a beaucoup trop de choses dans l'AME. qu'on traite les la urgences. La Meuse, c'était pour prévenir des contagions, des, bon, des, enfin, des... C'était quelque chose qui était très humanitaire et très bien quand on avait de l'argent et quand on se disait si quelqu'un vient parce qu'il passe chez nous, parce qu'il travaille chez nous, parce que, bon, il est normal qu'on le traite, qu'on ne le laisse pas mourir au coin de la rue. Mais c'est pas ça maintenant. C'est d'une part le regroupement familial et d'autre part l'AME. Donc on fait un regroupement familial pour se faire soigner. Alors moi je veux bien, mais moi qui ai été ministre de la Coopération, je préférerais qu'on monte des hôpitaux dans les pays africains, qu'il y ait des hôpitaux comme il y a en France un hôpital américain, qu'il y ait un hôpital français à Bamako, qu'il y ait un hôpital, etc. Et au moins on ferait œuvre utile, on formerait, on traiterait les populations, on éviterait qu'elles viennent en France. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les étrangers. Au contraire, je le dis, moi, en tant que médecin, je ne veux pas refuser, je n'en refuserai jamais. Non, non, mais, mais comme vous dites, c'est la pompe aspirante, je crois que le mot était tout à fait exact. Alors là encore, vous êtes prêt à vous battre pour qu'on revienne là-dessus si, quand les socialistes ne seront plus au pouvoir ? Nicolas Sarkozy avait mis une franchise qui a été immédiatement supprimée par les socialistes. C'était un petit début, c'était pas grand-chose, mais enfin bon. Oui, mais c'était un petit début. C'était déjà mieux qu'un petit début, et puis on avait enlevé et supprimé un certain nombre d'actes qui ne relevaient pas de l'AME. Alors, on a quand même évoqué bien des sujets. Des auditeurs qui nous ont pris en cours de route, je dis une fois de plus que c'est Bernard Debray qu'ils sont en train d'entendre. Pour de cette subir. Première partie, je ne crois pas. J'espère qu'ils ne vous subissent pas, mais vous écoutent avec intérêt. Alors, il doit peut-être encore y avoir quelques questions d'auditeurs. Sinon, moi, j'en avais une. C'est peut-être, on va peut-être pas forcément répondre très longuement, mais je crois avoir vu tout récemment dans la presse que les mesures qui avaient été tentées pour, contre le désert médical français ne marchent pas. On proposait un salaire garanti aux médecins, et j'ai lu, si je suis bien informée, mais vous allez peut-être me corriger, que ça n'était pas ça qui... ça n'a pas motivé les jeunes médecins. Mais enfin, Benoît, t'as faim. Non, mais attendez, je m'en réjouis, parce que ça coûte aux contribuables en plus. Prenez un jeune couple. Bon, jeune couple qui va avoir des enfants, qui a des jeunes enfants. Il veut aller dans un endroit où il y a quoi ? Où il y a une école pour que ses enfants soient pris en charge, école publique ou privée. Qu'il y ait aussi des magasins, cinéma, etc. Et on lui dit non, tu vas aller dans un endroit où il n'y a rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un désert médical. C'est qu'il n'y a rien. Parce que depuis des années et des années, on n'a plus du tout eu comme préoccupation l'organisation du territoire. Alors, il y avait, il y a très longtemps, ce qu'on appelait la DATAR, la Direction d'aménagement du territoire, mais maintenant, il n'y a plus. Alors, vous avez des endroits où on me dit, ah, mais ce sont des déserts médicaux. Mais ce n'est pas uniquement des déserts médicaux. Ce sont des déserts où il n'y a plus de postes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ne soyons pas non plus excessifs. Mais il manque de tout. Et quand vous dites à un jeune couple, vous allez vous installer là-bas, vous aurez un petit peu plus, pas grand-chose, hein. Mais ils disent, c'est pas ça qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est pouvoir éduquer nos enfants, pouvoir sortir le soir, et puis surtout ne pas être seul à prendre des gardes 24 heures sur 24, 8 jours. Oui, donc des maisons, j'ai vu qu'ils étaient demandeurs de maisons médicales. Mais alors c'est quoi ça exactement ? Mais simplement, et ça je crois qu'il est nécessaire que... et encore une fois, c'est la région qui doit le faire, c'est pas l'État. Moi, je suis contre le département. Je voudrais qu'on supprime le département parce que je considère que c'est une... Pour supprimer une couche, de toute façon. Donc c'est le département que vous proposez. Une couche. Oui, mais je l'ai écrit depuis très longtemps. Il faut supprimer le département qui a été créé par la Révolution et sous Napoléon. C'était que le préfet puisse aller à cheval jusqu'au fond. On pourrait supprimer les préfets, d'ailleurs, par la même occasion. Oh, ça, peu importe. Mais moi, j'aimerais d'abord qu'on supprime le département. Et on a essayé de le faire, mais encore une fois, on l'a fait trop timidement. Il faut supprimer le département. Alors, je disais, comprenez, il faut que les régions s'en occupent, et c'est vrai que les maisons médicales, c'est intéressant. Il faut que la région mette à la disposition un certain nombre de médecins, en disant, écoutez, si vous venez, voilà, ben, vous n'aurez pas de loyer, on vous donne une maison où vous allez exercer en commun, de façon libérale, donc vous aurez déjà les charges qui seront supprimés, puisque vous ne paierez plus votre maison, votre loyer, etc. Et vous aurez, vous aurez la possibilité d'exercer plus simplement et en groupe. Donc vous ne prendrez pas les gardes tous les jours, parce que c'est pas possible. Quand on est un jeune couple, quand on est une jeune femme ou un jeune homme, pas possible. Donc c'est une des solutions. Une des solutions, il y a la médecine aussi, la télémédecine qu'on doit voir, et puis là, repenser de façon régionale un certain nombre de zones qui sont très désertiques. Eh bien, écoutez, on était complètement dans l'actualité. Alors, je vous avais promis, il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'on dirait un mot de Paris. Alors, il va y avoir des élections municipales. Ça, c'est très net, oui. Dans toute la France. Et à Paris, vous êtes candidat ? Non, moi je suis candidat, bien sûr, je suis deuxième de liste parce que j'ai pas envie d'être maire. Moi je suis derrière Nathalie Kosciusko-Morizet. Je sais qu'elle a soulevé les passions, mais regardons ce qui s'est passé à Paris depuis des années, depuis Delanoë. Et je dirais, pourquoi Delanoë est arrivé ? Delanoë est arrivé, souvenez-vous, c'est qu'il y a eu le combat entre Seguin et Tibéri. La droite la plus bête. Quand j'étais maire du deuxième. Mais oui, vous étiez maire. Donc, c'était absurde. C'est la droite la plus bête du monde. On avait, à cette époque, on était persuadés qu'on était les meilleurs, que Paris nous appartenait, ben, voilà. Non, le système électoral à Paris est quelque chose qui est inacceptable. Mais en fait, c'est autre chose. Il faudrait élire directement le maire de Paris, comme dans toutes les grandes villes du monde. Bon. Et donc, cette bagarre a fait que Delanoë est arrivé. On a continué. Et aujourd'hui, moi, je me suis dit, en allant chercher Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que je suis allé lui demander de venir, elle était maire de Longjumeau, elle est toujours, et elle n'est plus, elle a démissionné. Je lui ai dit, il faut que tu viennes, pourquoi ? Il faut quelqu'un de l'extérieur. Il faut quelqu'un de l'extérieur. Ces vieux crabes qui sont ici à Paris, dont je fais partie, bien que je sois élu que depuis... Tous vos collègues vont être ravis, j'espère qu'ils écoutent l'émission. Mais oui, mais attendez, il faut se regarder aussi dans la glace. Bon, on a besoin de jeunes générations, de jeunes qui viennent, qui prennent le pouvoir, etc. On doit leur montrer la direction, on ne doit pas uniquement faire du jeunisme, mais il faut transformer les politiques parisiens. Qui se croient à la tête de fiefs qui sont des vrais féodaux. On est resté sur la mouvance Chirac, où on Mais avait voilà. 20 arrondissements, et voilà. deux fois de suite. Et vous savez bien. Alors, j'ai donc fait en sorte que j'ai demandé à Nathalie de venir, et il y a, dans un premier temps, vous le savez bien, des poussées de fièvre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut choisir les têtes de liste et qu'elle a voulu rénover un peu, changer un peu, et que quand on change, on fait des malheureux, des aigris, et des gens qui disent comment c'est pas moi, je suis le meilleur, etc. Bon, elle a changé, donc il y a eu des poussées de fièvre. Il va y avoir une autre poussée de fièvre quand on va élaborer les listes, et elle a eu ce courage, et je le dis très clairement, de faire une union avec le centre. On peut ne pas aimer le centre, on peut dire comment Bayrou, il a fait voter. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. On sait très bien qu'on ne regagnera pas Paris tout seul et qu'il faut se mettre avec le centre. Et donc là, elle a fait une union avant-hier avec le centre, et là, on va avoir des listes. Et je crois très fermement qu'on a des chances de gagner. Donc ça, c'est l'aspect purement politique. Est-ce que sur les programmes, et alors peut-être l'aspect dépenses et fiscalité, est-ce qu'elle veut mettre les pieds dans le plat, si je puis dire ? Parce que je crois que les contribuables parisiens, qui ne sont pas parmi les plus maltraités au point de vue local, l'ont été pendant les mandats de la Noël. Des impôts. Mais surtout, ce qui est intéressant, ouais, si c'était une augmentation des impôts pour faire quelque chose, on dirait c'est difficile, mais on voit le résultat. C'est une augmentation. Il y a les nuits blanches quand même. Et oui, il y a même Paris-Plage. Et il y a Paris-Plage. Mais non, mais le problème, sans rire, c'est qu'on a augmenté de façon absolument incroyable le personnel de la mairie, le personnel municipal. Donc on multiplie le personnel municipal, il faut de l'argent pour les payer. On est en train de faire ce que font les socialistes, ils embauchent des fonctionnaires, il faut les payer, on nous prend de l'argent. Mais on n'est pas plus efficace. Impossible de trouver des logements, ou alors c'est la loi Dalo. Et de plus en plus d'administratif en plus, je crois. Oui. On n'est pas dans le personnel et une sécurité. On voit très bien que dans les grandes villes, il y a des caméras de sécurité. À Paris, on n'en a pas voulu en mettre. C'est Fillon, quand il était Premier ministre, qui a obligé le maire de Paris à en mettre, parce que vous savez que la sécurité dépend du préfet de police, donc il en a mis. Mais les socialistes étaient particulièrement contre. Et après ce qui s'est passé récemment avec le tireur fou de Libération et de BFM, bon, ils disent « Ah oui, c'est pas mal, on pourrait ». Bon, ils changent d'avis. Donc, il faut une sécurité. l'arrêté anti-mendicité qui a été supprimé. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas dire que quand on va à la Tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, les touristes sont en train de fuir parce qu'ils sont arnaqués, volés, pillés? Et que si on veut que Paris reste une ville attractive, il faut mettre un peu d'ordre. Il faut que la police fasse son boulot et ne soit pas uniquement occupée à mettre des contraventions dès qu'on a dépassé de 2 minutes l'heure du ticket. Bon, 2 minutes. Et en plus, elle est suivie par la voiture qui enlève et qui met à la fourrière. Donc, vous avez dépassé de 2 minutes. Ouais, ça prend du temps. Ça, ils sont contents. Hein. Mais par contre, quand il faut mettre un peu de sécurité à Paris, zéro. Alors c'est le problème du préfet de police, que c'est pas les mêmes policiers qui font là. C'est pas les mêmes policiers, mais quand on veut être maire de Paris, et Nathalie Kosciusko-Morizet dit « je veux avoir le pouvoir ». Oui, c'est trop facile d'être maire de Paris. On demandait à une époque d'avoir le pouvoir. Mais oui, c'était un raison. Vieux combat quand j'étais maire. C'était un des vieux combats que nous menions avec Jacques Dominati, je me souviens. Mais tout à fait. Dieu, c'est des vieux souvenirs. Où l'on réclamait le pouvoir de police pour le maire de mais Paris. Mais bien entendu. On va écouter, vous savez pourquoi il n'y a pas le pouvoir de police? Parce que c'est les histoires de la Révolution, les révolutions de juillet, etc. Paris a toujours fait peur. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de maire. C'est Giscard qui a mis des maires, un maire. Mais là, encore une fois, 20 maires d'arrondissement, pardonnez-moi, vous avez été maire, mais il n'y a pas de pouvoir. Ah ben totalement. Alors, les 90% des problèmes que l'on nous soumettait étaient du ressort du préfet de police. D'autant plus que maintenant, quand on voit les affectations d'appartements, de maisons, etc., c'est la mairie de Paris qui a presque tout pris. Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes pour que l'on fasse des dépenses de logement social supplémentaire non, à Paris. Je suis en train de dire qu'il faut des logements intermédiaires. Et qu'est-ce que je dis? Je dis simplement qu'il faut des logements pour les infirmières. C'est pas des logements sociaux, c'est des logements pour les infirmières, c'est des logements moyens, pour les classes moyennes. Il faut des logements pour les policiers, il faut des logements pour les gens, les pompiers, il faut des logements... Vous voyez, c'est extraordinaire. On a des gens qui sont des classes moyennes qui peuvent plus loger à Paris. Pourquoi? Parce qu'on fait des logements hyper sociaux, je le disais, à la loi d'Allo, et on voit quoi? On voit des gens qui viennent, parfois et même souvent en situation irrégulière, qui ont priorité dans les logements sur les Français qui cherchent depuis des années et des années des logements. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je le dis. J'ai pas peur de le dire. Et moi, je suis absolument triste quand je vois mes infirmières qui font 2 heures de voiture, 2 heures de train, 2 heures de métro, 2 heures de ce que vous voulez pour venir travailler. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent pas se loger à Paris. Ben, il faut qu'elles se logent à Paris. Et c'est ça, ce logement intermédiaire. Il faut que les jeunes puissent se loger à Paris. Je vois arriver un gros paquet de questions, mais nous nous séparons dans 1 minute. Donc ce je propose, oui parce que nous avons Patrick Simon qui va bientôt être en ligne. Et qui, non, vous n'avez pas trop parlé, c'est moi qui vous ai posé des questions. Donc nous allons avoir à passer l'antenne à Patrick Simon et je m'en réjouis, sa traditionnelle chronique est toujours appréciée. J'ai peur que nous n'ayons pas le temps de répondre aux questions. Par contre, s'il y a des questions... Si monsieur le député en est d'accord, s'il monsieur y a des questions député. Précises qui lui sont Benoît, t'es formidable. À l'antenne, je deviens très respectueuse. Hein. Ah, mais moi aussi, madame. Non, ce que je propose, c'est que s'il y a des questions très précises qui vous sont adressées, est-ce que je peux vous les faire passer via votre sûr. Collaborateur? Vous pourrez nous les renvoyer. Alors, je ne sais pas comment bien on répondra. Sûr. Si c'est des questions par Internet, on pourra y répondre. Ou peut-être on fera 5 minutes dans une prochaine émission. On tâchera de répondre, mais là, en 2 minutes... Ou sur le site, éventuellement. Oui, sur mais faites-les-moi passer, Benoît, et moi, je répondrai. Pour nos auditeurs qui sont internautes et qui ont envoyé des questions précises à laquelle ils voudraient des réponses, donc Bernard Debré s'engage à y répondre. Par contre, je ne pourrais pas forcément le faire à l'antenne. Nous avons un site, www.contribuable.org et il y a une rubrique Radio Courtoisie. Donc et nous... j'ai mon blog. Et vous avez et votre je blog, fais tout un à article fait. Par jour, quelquefois un peu violent. Je rappellerai simplement l'article que j'ai fait sur Valérie Trier-Villers. Oh, c'est votre ennemi préféré. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a eu que 3 millions de personnes qui l'ont lu, la lettre. Elle n'était pas très tendre, c'est vrai, mais elle était juste très reprise sur d'autres aussi. Mais vous savez, je dis quelle est l'adresse de votre site? Si on fait Bernard Debré, on tombe dessus. Voilà. Moi, j'ai été le voir d'ailleurs, un certain nombre de questions que je vous ai posées. Je m'assois à faire un ou deux articles. Voilà, on va essayer de faire au mieux pour répondre à nos éditeurs. Je suis désolée, les téléphonistes sont débordés et elles ont amené un tout petit peu tard le paquet de questions. Alors, avant qu'on se sépare cette fois dans une minute, je voudrais quand même vous dire un grand merci, Bernard Debré. Non, c'est moi qui vous remercie parce que c'est très agréable. On a une liberté de parole. C'est une vraie conversation. Mais c'est vrai, on a une liberté de parole. On a une liberté de dire ce qu'on a envie de dire. On n'est pas... Vous savez, dans quelques émissions, parce que je ne veux pas mettre tout le monde à dos, dans des émissions de télé, etc., en réalité, on a l'impression d'être le faire-valoir du journaliste. On est là pour faire plaisir aux journalistes. Et on se dit, nous, on n'intéresse personne. Le journaliste fait en sorte que tout tourne autour de lui. Eh bien écoutez, merci, c'est un agréable compliment pour cette émission et pour cette radio. Je voulais dire aussi, donc n'oubliez pas les livres de Bernard Debré, et donc Je pensais des savants et des dieux, qui est paru en 2013, et qui est aux éditions du Cherche Midi, et qui je pense pourrait faire un très beau cadeau de Noël, comme le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Alors... Bernard Debré, merci. Merci. Patrick Simon, vous êtes en ligne ? Je suis là, Benoît. Bonjour et bonsoir, Bernard Debré. Bonsoir, Patrick Simon. Alors, je sais que vous allez nous parler d'une directive européenne. Et comme nous avons été très bavards, je vous laisse tout de suite l'antenne pour votre chronique. Merci beaucoup. Oui, je vais vous parler de la directive sur le détachement des travailleurs en Europe, puisque celle-ci vient d'être modifiée. Alors, au début... Lorsqu'en 1957, le marché commun a été institué par le traité de Rome, il s'agissait de permettre la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. C'était le grand souffle de la liberté et qui apporta en effet l'élan salvateur et oxygéné de la concurrence pendant les années 60 et 70. Et puis, avec la multiplication des institutions européennes, il y eut multiplication des fonctionnaires. Et quand les fonctionnaires se multiplient, il faut qu'ils justifient leurs fonctions, donc ils multiplient la réglementation qui se propage un peu comme un virus. Après le traité de Rome, puis l'acte unique, également d'inspiration libérale, furent élaborées toute une série de normes, de règles, de directives, de législations visant à uniformiser le droit des États membres et qui souvent n'ont réussi qu'à créer plus d'obstacles à l'action humaine. Après la chute du mur de Berlin, comme il n'y avait plus d'ennemis à l'Est, il devint moins impératif de donner de la liberté et au lieu de la laisser prospérer sans réglementation inutile, on lui mit de plus en plus de bâtons dans les roues. C'est ce qu'ils appellent la régulation. C'est ainsi qu'au lieu de laisser les travailleurs d'un pays libres d'aller travailler dans un autre pays européen, on édicta des restrictions ou des mesures de sauvegarde. Par exemple, la France a interdit aux Polonais de venir travailler en France, le fameux plombier polonais que l'on redoute. Alors, pour lever ces obstacles contraires à l'esprit des pionniers, des pères fondateurs, à l'esprit du traité de Rome, il fallut à nouveau réglementer par des directives. Et c'est l'objet de la directive sur le détachement des travailleurs dont je vais vous parler, qui permet à un employé d'une entreprise, par exemple d'une entreprise tchèque ou bulgare, d'être détaché en France pour un temps limité, si cette entreprise a un marché en France. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au niveau du pays d'accueil, donc au niveau français, dans mon hypothèse, mais il conserve le bénéfice de l'assurance sociale de son pays d'origine, c'est-à-dire au niveau tchèque, dans mon exemple. Il a des assurances sociales tchèques et une rémunération à un revenu français. L'avantage de ce système est que le prix du service facturé au consommateur final diminue, car les charges sociales sont parfois nettement moins élevées dans d'autres pays qu'en France. Il faut dire que là, nous sommes champions toutes catégories. Et parfois, dans certains pays, comme la République tchèque ou la Bulgarie, c'est 30% de moins. Et donc, les prix peuvent ainsi baisser. Et tout le monde devrait donc s'en féliciter, car c'est bon pour le consommateur. Mais c'est sans compter les ennemis de la liberté, qui voient dans cette concurrence ce qu'ils appellent une fraude, alors qu'à mon avis, il ne s'agit que d'une concurrence de règles, de normes, de régimes. Mais ces gens-là, ils voient, eux, un danger pour le régime social français, qui est un régime impératif, je le rappelle, auquel nul ne peut déroger. Ce régime de contrainte et de coercition a du mal à supporter la concurrence. C'est pourquoi le ministre Benoît Hamon a demandé la modification de la directive sur le détachement. Aidé par les gouvernements allemands et belges, il y est parvenu, contre d'autres gouvernements, comme par exemple le gouvernement anglais ou le gouvernement tchèque. Cette modification de la directive effectuée le 9 décembre, tout récemment, n'a pas supprimé le droit pour l'entreprise de ne payer que les charges sociales du pays d'origine, mais ils ont élargi le champ des contrôles des pays et permis de déclarer les entreprises responsables en cas de fraude. Toutes les entreprises, c'est-à-dire le donneur d'ordre et tous ses sous-traitants. Alors, qu'est-ce qu'une fraude ? Elle consisterait à détourner ce qu'on appelle la libre prestation de service de son objectif. Mais seulement le plus souvent, il n'y a pas détournement, c'est ce que je vais vous expliquer par un exemple. Bouygues, il y a une vingtaine d'années, a sous-traité des travaux à une société portugaise, Roche Portuguesa, sur le chantier du TGV Atlantique. Cette entreprise a détaché 46 salariés portugais pour travailler en France. Alors, beaucoup pourraient penser qu'en Europe, des Portugais ont bien le droit de travailler en France puisqu'ils font partie de l'Europe. Eh bien non, il faut une autorisation préalable. Et dans le cas que je viens de donner, l'Office national de l'immigration prétendait que cette sous-traitance était illégale et constituait un prêt de main-d'œuvre, qui est une infraction en France, il faut le préciser. Il y a beaucoup d'infractions dans un grand nombre de domaines. La Cour de justice de la Communauté européenne fut saisie et elle débouta l'Office national de son action par un arrêt du 27 mars 1990. Disant que la sous-traitance relève de la libre prestation de services autorisée par le droit européen. Mais enfin, cet arrêt qui déboutait l'Office national de l'immigration a quand même laissé la porte ouverte à des contrôles visant à vérifier qu'il n'y a pas eu de détournement, qu'il n'y a pas des fraudes. Et c'est, en somme, l'amendement à cette directive vient de faire entrer dans la législation cette jurisprudence. Et il faut signaler d'ailleurs sur ce sujet un rapport du Sénat qui constitue une bonne synthèse de tous les arguments des ennemis de la liberté. Ce rapport s'interroge sur le travailleur détaché. Est-il, dit le rapport, un salarié low cost ? Alors, évidemment, ils répondent oui, bien sûr. Il faut dire que le rapporteur au Sénat de ce travail était M. Bocquet, un sénateur communiste. C'est donc tout dire. Alors, les dialogues qui figurent à la fin sont très édifiants. Monsieur Bocquet explique que certaines pratiques ont pour objet une optimisation et Madame Catherine Tasca d'intervenir pour dire on devrait préciser optimisation du profit. Ça y est, le mot obscène est lancé, le profit. Madame Morin-Desailly intervient ensuite et elle dit le point 24 autorise une action des syndicats sans l'accord des salariés, cela me gêne. Monsieur Bocquet répond, l'idée c'est que les syndicats puissent se substituer aux salariés. Sans l'accord de ceux-ci, dit-elle, le président Simon Sutour intervient, même si un salarié se satisfait de la situation, le syndicat peut avoir toute raison d'entreprendre une action en justice. Il ne nous dit pas quelles sont ces raisons, mais on pense évidemment au procès Sephora, où des syndicats ont demandé à des tribunaux d'interdire à des salariés de travailler. Et il ajoute, de plus, le salarié peut être soumis à des pressions. Ben voyons, son employeur peut l'obliger à dire qu'il est content de travailler, alors qu'il est très mécontent d'avoir un emploi rémunéré nettement plus que dans son pays d'origine. Mais bon prince, le président Simon Sutour conclut, supprimons les mots sans l'accord du salarié. L'important, c'est que le syndicat puisse agir. Effectivement, même si le syndicat peut agir, il n'est pas dit qu'il le peut à condition qu'il ait l'accord du salarié, donc il le pourra, même s'il n'a pas cet accord, et l'expression « sans l'accord » ne servait à rien si ce n'est à trahir maladroitement le désir de ses ennemis de la liberté de permettre aux syndicats d'agir contre la volonté et contre l'intérêt des salariés. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette directive sur le détachement des travailleurs. À bientôt.